La représentation de cercle artistique de l'Union des femmes de tout le pays, chant de conviction des femmes en l'honneur du maréchal, a eu lieu le 20 courant à la Maison de la culture du peuple à Pyongyang. Y ont assisté les cadres intéressés et les délégués de la 6e conférence de l'Union démocratique des femmes de Corée. Sur la scène commencée par le chœur « Gloire au général Kim Jong-un » et « Chant de femmes » ont été montés des numéros variés. Par ailleurs, il y a eu à Pyongyang le cours spécial pour les délégués de la 6e conférence.